Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107FM. Et pour l'édition de ce soir, on va parler musique, hein, toujours dans la famille Nancy Fauny, je demande le violoncelliste, vu que j'ai ce soir Sébastien Hurteau à l'appareil. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Lou. Alors, tu es violoncelliste, comme on disait, c'est ta profession, et tu vas jouer jeudi 12 juillet à 20h à la Salle Poirel à Nancy, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, et on en parlera de toute façon plus amplement. Mais on est là aussi, c'est vrai que les auditeurs peuvent se dire, mais pourquoi une deuxième émission sur les Nancyphonies ? Eh bien, pour ceux qui ont peut-être envie d'aller voir Sébastien et écouter Sébastien, cette émission sera l'occasion d'en savoir plus sur toi, et je pense que peut-être mieux connaître un musicien, c'est peut-être mieux connaître sa façon de jouer. Peut-être que tu es d'accord avec moi. Certainement. Hein. Et je n'oublie pas non plus la personne qui est en face de moi. En effet, j'ai mon consultant musical avec moi. Bonjour consultant musical. Bonjour Lou, bonjour Sébastien et salut à tous. Alors, tu es là aussi, Mika, hein, comme d'habitude. Maintenant, tu es là pour la musique. Hein. J'annoncerai peut-être la prochaine émission musicale en fin d'émission. Mais voilà, on est là tous les trois jusqu'à 19h pour parler de musique. C'est partant ? Ben oui. C'est partant. Tiens. Je me trompe. Bref, donc on est là pour commencer, tout simplement par le commencement. Les auditeurs ont l'habitude, auditeurs à qui d'ailleurs je passe un gros coucou, qui sont là tous les soirs, hein. On ne le sait pas forcément, mais on sait qu'ils sont là. Et voilà, donc on va commencer peut-être à mieux te connaître. Comme on le disait, Sébastien, tu es violoncelliste, hein, violoncelliste j'imagine classique. Est-ce que tu peux peut-être nous parler déjà, comment t'es venu la passion de la musique, vu qu'après tout c'est ton travail maintenant? Alors, il y a fort longtemps, une des amies de mon frère, qui est mon aîné de 13 ans, également musicien, m'a offert un disque de Rostropovitch, d'un éminent violoncelliste, et dans ce coffret il y avait le concerto de Dvorak, que je joue donc avec l'orchestre de Lorraine à Nancy le 12 et à Sarrebourg le 13. Il y avait également d'autres compositeurs, Schumann, Brahms, des compositeurs plus éloignés, plus anciens, je peux dire, comme Tartini, Vivaldi, etc. Et j'ai écouté ce disque, et quelques temps après, j'ai absolument voulu faire du violoncelle. Ça a été vraiment une vocation. Qui ne m'a jamais quitté. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé cet instrument. Ma sœur était pianiste, mon frère était petit avec et ténor. Et donc j'ai choisi le violoncelle. Donc un petit peu aidé, car j'étais dans une famille de musiciens. Mais c'était vraiment, je dirais presque, mon premier coup de foudre avec cet instrument. Ah oui, donc c'est sur ton rapport à la musique, ou ton rapport, même ton choix du violoncelle, c'est littéralement un coup de foudre, si j'ai bien compris. C'est une vocation, c'est vraiment une vocation d'enfant, et avec une ligne qui ne s'est jamais interrompu. Ça a toujours été très très fort, constant. Et puis ça a été une satisfaction énorme parce que quand on réussit à exécuter, à jouer sur scène plusieurs œuvres et que ça se passe bien, ça apporte véritablement une joie profonde pour soi et pour les personnes qui écoutent, bien entendu. D'ailleurs, dis-moi, pour faire du violoncelle, il faut suivre une formation. Quelle est ta formation à toi ? Alors, j'ai une formation assez classique. Je suis originaire de La Rochelle, en Charente-Maritime. Donc, j'ai commencé le violoncelle au conservatoire avec Jacques Roger, qui est toujours professeur là-bas. Et puis, rapidement, comme mes parents ont détecté quand même un talent et puis une envie tellement forte que rapidement je suis allé étudier à Paris. J'ai étudié à la Scola Cantorum avec Erwan Fauré, qui était un des plus grands pédagogues pour le violoncelle en France. Je suis rentré au Conservatoire de Paris dans la classe de Jean-Marie Gamard et parallèlement comme j'étais très attiré par l'école russe également, parce qu'il faut savoir que pour les cordes, il y a plusieurs écoles. On dit qu'il y a l'école française, l'école russe, l'école américaine. Je suis allé étudier parallèlement à Detmold, en Allemagne, puis au Royal Northern College de musique à Manchester. Donc, avec Karine Georgian, qui était une élève de Rostropovitch. Donc la boucle était bouclée, puisque c'était Rostropovitch qui m'avait donné envie de faire du violoncelle, et finalement j'ai été étudié avec une de ses élèves. Donc tu as littéralement travaillé plus loin dans le monde, tu as vraiment appris à travers le monde. Et d'ailleurs, dis-moi, c'est vrai que c'est une question que je me pose, hein, quelle est déjà l'approche de l'apprentissage de la musique à travers le monde? Ça n'a peut-être pas la même valeur dans tous les pays. Alors, j'ai pas mal voyagé, d'abord comme élève, comme je le disais à l'instant, et puis aussi comme concertiste. Quel que soit le pays, l'amour de la musique, il est profond vraiment, d'abord dans le folklore, et ensuite c'est vrai qu'en France notamment on a tendance à compartimenter, c'est-à-dire on dit ça c'est la musique classique, ça c'est la musique rock, ça c'est la musique pop, mais en fait c'est de la musique. Tout simplement, il n'y a pas plusieurs catégories comme ça. Il y a juste des rythmes qui sont différents. Il y a des mélodies qui sont marquées en fonction des ethnies et qui est très très fort, qui change et qui change justement l'âme d'un morceau. C'est la façon dont on a de sentir son rythme. Et par exemple, là, je reviens du Panama. C'était j'étais jamais allé auparavant, et j'ai donné des masterclass, j'ai donné des concerts aux jeunes Panaméens. Alors au Panama, il n'existe pas les structures qui existent dans des pays européens ou aux USA. Donc ils essayent, ces jeunes musiciens, à chaque fois qu'il y a des artistes qui les visitent, d'apprendre en fait, de prendre le maximum. Par contre, ce que j'ai ressenti, c'est que de par leur culture, de par justement le folklore, leur musique, ils ont un sens du rythme qui est extrêmement fort. Et quand ils abordent la musique classique, enfin dite classique, on sent que dans la musique qu'ils jouent, on sent qu'ils gardent cette énergie rythmique. Et donc, pour répondre à ta question, Lou, au fond, la musique, elle est ancrée profondément dans chacun, même dans les milieux défavorisés. Tu parlais du violoncelle, enfin l'amour de la musique en général, et le violoncelle en dehors de la musique classique, puisque souvent c'est vrai que on va penser associé à cet instrument musique classique, mais on le retrouve dans plein d'autres musiques. Tu parlais pop au sens large. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement le violoncelle, ce qu'il représente aussi dans les autres styles musicaux? Toi, comment tu vois le violoncelle que tu utilises en musique classique, si j'ai bien compris, uniquement dans ce style de musique? Comment tu le vois par ailleurs utilisé par d'autres dans d'autres genres musicaux? Alors en fait, au fond, nous les interprètes, on est un petit peu comme des acteurs, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant un rôle avec un texte. Alors ça va être soit un texte écrit de façon classique où tout est noté, ou alors peut-être se retrouver devant des grilles, ce qu'on appelle des grilles qu'utilisent les jazzman, c'est-à-dire plus avec des codes assez précis, mais laissant libre cours à plus d'improvisation. Et puis après, il va y avoir, on va dire, sur scène, une façon scénique de se mouvoir ou de ne pas se mouvoir. Bon, en l'occurrence, le violoncelle, c'est vrai que on le joue assis. C'est vrai que le violoncelle classique, par rapport au violon, ou par rapport au cuivre, au bois, aux instruments cuivre, bois, est moins rentré dans le registre populaire. Alors il y avait des violoncelles de procession, autrefois on les appelait comme ça, c'est-à-dire que on fixait en fait une sorte de sangle directement sur le bois pour pouvoir marcher et jouer en même temps. Ce n'est pas très très facile, mais pour répondre à ta question. Au fond, par exemple, dernièrement, j'ai joué avec la Philharmonie slovaque sous la direction du chef d'orchestre Leo Sivarovski, le concerto de Friedrich Gulda. Il s'avère que Friedrich Gulda, c'est un pianiste très, très classique, de musique classique très très connu, qui était compositeur aussi mais un fervent aussi défenseur du répertoire de jazz. Et il a écrit, il y a une vingtaine, plus, et une trentaine d'années, pour son ami Heinrich Schiff, un concerto, et un concerto où justement Goulda s'amuse à écrire par exemple un premier mouvement très rock, un deuxième mouvement très dans le style très baroque, et puis après une cadence qui pourrait nous faire penser aux improvisations de Jimi Hendrix, pour terminer avec un dernier mouvement fanfare. Donc on s'aperçoit que l'instrument, de par sa tessiture, parce qu'il a la tessiture d'un baryton, il peut descendre très bas et avoir des notes très très aiguës. C'est un instrument très lyrique. C'est un instrument aussi qui a beaucoup de. On peut avoir beaucoup de vélocité avec. Et au fond, on peut aborder beaucoup, beaucoup, beaucoup de répertoire, parce que c'est un instrument très vocal. Donc, je dirais presque qu'il suffit d'avoir le bon texte, comprendre le cadre dans lequel on joue, et ensuite, on se laisse totalement porter. Il s'agit, quand on joue, quand on interprète, il s'agit, bien sûr, qu'il y a toujours une part de soi, mais le jeu, c'est aussi de quitter un peu son, comment dire, ses habitudes, et de rentrer totalement dans la partition pour servir au mieux ce que le compositeur a demandé, quel qu'il soit. Hein. Quand par exemple on entend des musiques de Michael Jackson, c'est très exigeant, c'est très très bien écrit. Donc du coup, bon, j'en ai jamais joué, mais si je devais, si je devais en jouer un jour, je pense que je devrais travailler énormément au même titre qu'une partition classique de compositeurs plus anciens, ça c'est certain. Et dans la manière de jouer par rapport justement au style, il y a la façon, la manière d'appréhender l'instrument qui est différente à chaque fois. Et je pense notamment, par exemple, ou pizzicato, c'est-à-dire quand on utilise le violoncelle comme une contrebasse, que ça devient plus un instrument à cordes frottées, mais à cordes pincées. Je l'ai vu notamment dans des groupes de rock. Est-ce que vous, en musique classique, vous l'utilisez aussi de cette façon ? Ah oui, alors on l'utilise. Par exemple, il y a le compositeur Britten, compositeur anglais du XXe siècle, qui a laissé vraiment des chefs-d'œuvre. Et on a de la chance, le violoncelliste, il a écrit 3 suites pour violoncelle seule, une sonate pour violoncelle et piano, une symphonie concertante que j'espère qu'un jour je jouerai, je lance un message. Et pour répondre à votre question, ou à ta question, pardon, il a écrit dans sa sonate pour violoncelle et piano tout un mouvement uniquement avec des pistes. Et c'est très très c'est très virtuose. Ça demande beaucoup de précision. C'est très très marrant à jouer une fois qu'on l'a bien préparé. Oui, donc ça peut. Il y a aussi, alors dans un style plus jazz du coup, il y a le violoncelliste et qui était aussi contrebassiste, Oscar Petitford, qui utilise le violoncelle comme une contrebasse. Donc non, il y a en fait c'est vrai que c'est moins usité parce que fondamentalement le violoncelle est plus un instrument qui joue avec un archet, bien entendu. Il est vraiment fait pour ça. Je pense qu'on peut pas concurrencer en pizzicato ce que pourrait faire bien sûr un guitariste, même en termes de virtuosité. Mais c'est tout à fait possible et voilà, il y a d'ailleurs. Un jour, j'ai joué une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Toshiro Mayuzumi, qui justement a pris le violoncelle comme si c'était un instrument de japonais qui s'appelle le koto. C'est très intéressant et je recommande aux auditeurs d'aller notamment écouter une de mes vidéos YouTube, donc Toshiro Mayuzumi. Et donc du coup, on a vraiment l'impression d'écouter, on n'est plus en face d'un violoncelle uniquement, mais on est en face d'un instrument japonais, donc le koto. Voilà, donc pour le chapitre PIDS, je pense qu'on est bien servi en tout cas. En tout cas, tu as raison, on est bien servi, mais on va s'écouter une première parenthèse musicale de Dvorak, hein, un morceau joué par Jacqueline Dupré. Enfin, un morceau, on va pouvoir se passer malheureusement juste un extrait, mais au moins ce sera... Le final du concerto de Dvorak, oui. Joué donc avec l'Orchestre National de Lorraine sous la direction de Jacques Mercier. Et donc c'est une partie du final que je t'ai proposé. En effet, donc on s'écoute une partie de cet extrait et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Et je suis malheureusement contrainte d'arrêter la mise en bouche là, mais c'est un extrait d'un concerto de Dvorak. Comme tu le disais, Sébastien, un concerto, on va venir à toi tout de suite, hein, mais si un auditeur a envie de réagir à l'émission, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas sur la page Facebook Radio Gemozo, c'est avec plaisir qu'on passera vos messages. Mais voilà, en attendant, hein, on est toujours avec Mika et Sébastien Hurteau à l'antenne, pour annoncer entre autres ton concert du jeudi 12 pour les non-symphoniens à 20h à la salle Poirel pour la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Et justement, c'était du Dvorak que Jacqueline Dupré a joué. Et dis-moi, tu m'avais déjà fait comprendre que c'était important l'inspiration auprès de certains artistes ou les influences. Est-ce que Jacqueline Dupré a eu une certaine influence sur ton jeu du violoncelle? Alors, c'est une excellente question. Jacqueline Dupré, elle est dans le panthéon en fait des artistes, des plus grandes artistes, et dans le cœur des violoncellistes bien entendu. C'est vrai que la BBC a fait énormément de reportages. Parce que c'était une des plus grandes artistes, et malheureusement elle est partie trop tôt, elle est décédée d'une sclérose en plaques, donc c'est vraiment une légende vivante, c'était une légende, Jacques Dupré, elle l'est toujours. Donc il y a une attirance, une identification, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent certainement. Et puis, comme toutes ces étoiles, à un moment, vient le moment de la maturité, on les quitte un peu. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup référé à eux, on est beaucoup allé voir, on les a beaucoup analysés, beaucoup regardés, beaucoup observés. Et puis, à un moment, on fait un petit peu le deuil de ces moments-là, et on devient vraiment soi-même. Ça, c'est important. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu un cycle, mais c'est sûr que Jacqueline Dupré, Rostropovitch, je pourrais aussi citer beaucoup de violoncellistes qui m'ont marqué, Karine Georgian, ma professeure, et qui était une des plus grandes violoncellistes d'ex-Union soviétique, le violoncelliste hongrois américain, Janos Starker. Dans un autre registre, le registre baroque, Bilsma. Voilà, il y a énormément de violoncellistes en fait qui m'ont marqué, mais Jacqueline Dupré reste en tête de liste, hein, bien entendu. Tu seras donc, comme Lou l'a dit, jeudi à la salle Poirel de Nancy, à partir de 20h, au sein de l'Orchestre National de Lorraine. Tu seras soliste. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle d'un soliste violoncelliste au sein, au sein d'un orchestre? Alors, je vais vous l'expliquer. Il y a un petit bout de chou pas loin de toi. En fait, alors, on ne vit pas vraiment au sein. C'est-à-dire qu'on est, invités, les solistes sont invités pour jouer des concertos avec l'orchestre qui est déjà constitué. Et donc, du coup, alors le soliste, bon, c'est vrai que le soliste est toujours teinté de solo, qui veut dire seul, mais c'est une fausse idée. C'est-à-dire que Dvorak, le concerto de Dvorak que j'aurai à la salle Poirel à Nancy à 20h, en est la parfaite illustration. C'est bien sûr un concerto écrit pour un soliste et un orchestre, mais c'est une alchimie qui est entre vraiment les violoncellistes solistes et les autres instruments. Il y a énormément de discours. En fait, on est plus proche du théâtre où chaque instrument a vraiment son rôle, et notre concerto de Jean-Jacques, je dis notre parce que je pense à tous les autres violoncellistes, illustre en fait parfaitement, c'est un peu notre Cyrano de Bergerac à nous, quoi, donc par exemple il y a tellement de dialogues dans ce concerto avec le hautbois, avec la flûte, avec le cor, avec la clarinette, et je pourrais en citer encore. Il y a un grand duo qui est vraiment une déclaration d'amour avec le violoniste dans le final du concerto de Dvorak. Et je dois dire que la rencontre avec l'Orchestre de Lorraine qui s'est faite au mois de septembre dernier sous la direction de Jacques Mercier a été vraiment extrêmement forte. Et il s'avère que j'étais invité par le Festival de Laon pour faire une création européenne, celle du concerto de Gareth Farr, qui s'appelle Concerto Chemin des Dames, et qui est dédiée à la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale. Et il s'avère qu'en France, concernant la musique contemporaine, il y a beaucoup de chapelles, et quelquefois, les musiciens peuvent avoir une certaine animosité face à certains compositeurs contemporains. Et là, j'ai reçu un accueil d'une telle chaleur, un tel soutien, une telle alchimie avec le chef d'orchestre Jacques Mercier, que ça a vraiment été une rencontre absolument magnifique. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils m'ont invité pour jouer le concerto de Dvorak avec eux à la Salle Poirel à 20h le 12 et au Festival de Saint-Ulrich le 13. Donc oui, un soliste, c'est un peu comme un voyageur. On rencontre des orchestres à chaque fois différents, mais on n'est pas seul. C'est vraiment un dialogue, et ça, c'est, je peux vous dire que une des plus belles, des plus beaux moments qu'on peut avoir, nous les solistes, il s'avère que souvent les premières répétitions, on se tourne vers tous les instrumentistes pour jouer avec eux, pour créer un contact, et ça c'est extraordinaire parce que, en fait, au fond, c'est de la musique de chambre à grande échelle. D'ailleurs, dis-moi, tu as un petit peu soulevé ma curiosité avec le terme création. J'imagine que les auditeurs aussi se sont posé la question. Tu peux peut-être nous expliquer ce que tu entends en fait par une création, parce que je pense que c'est pas ce qu'on s'imagine. Alors, la création, pardon, la création, c'est un terme qu'on emploie quand une œuvre n'a jamais été jouée en public. Auparavant. C'est-à-dire que c'est un moment d'autant plus fort que une composition n'a jamais été produite. C'est quelque chose que j'adore faire. J'adore le travail avec la collaboration avec le compositeur. C'est ce qu'on appelle, création. Voilà, et dis-moi, juste avant, tu as parlé du concerto de Gareth Farr, concerto Chemin des Dames. C'était aussi une création ? C'était une création qui a eu lieu en mai dernier avec l'Orchestre National de Nouvelle-Zélande, sous la direction du chef Hamish Mackay. C'est un concerto que je vais d'ailleurs enregistrer l'année prochaine avec l'Orchestre National de Nouvelle-Zélande, ainsi que le concerto d'Elgar. Car le concerto d'Elgar a été créé il y a 100 ans, en 1919. Et donc du coup, pour le centenaire du concerto d'Elgar, c'est un disque qui sortira chez le label Rubicon, qui est un label anglais, l'année prochaine, mais j'aurai l'occasion, j'espère, de vous en reparler. Eh bien, je l'espère sincèrement, mais en tout cas, comme tu as parlé de ce concerto, c'est aussi un morceau que tu as voulu qu'on passe. Donc, on va encore se passer un extrait du concerto de Gareth Farr du Chemin des Dames qui a été joué à Wellington en mai 2017 avec Hamish Mackay en chef d'orchestre. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après, si tu veux bien nous donner des explications, sur Radio Gemozo. Et c'était un extrait de Gareth Farr, Concerto, Le chemin des dames. Hein. Vous êtes toujours sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Et pour réagir, hein, pas par le fixe cette fois, vu que mon invité de ce soir est par téléphone, mais toujours sur la page Facebook Radio Gemozo. Ou pour ceux qui ont mon portable, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS. Mais je ne vais pas m'amuser à le donner à tous les auditeurs. Hein. Et oui, on est toujours avec Mika, bien entendu, et Sébastien Hurtaud. Non, Mika, pas la peine de m'envoyer un SMS, toi, je te vois à travers la vitre. Donc, je disais, je suis toujours avec Sébastien Hurtaud, aussi violoncelliste, pardon, concertiste. Et d'ailleurs, je viens de voir que le violoncelliste qu'on a écouté à l'instant, mais c'est toi, Sébastien ? Ah oui, c'est moi. Oui, c'est moi, étant donné que, comme on disait précédemment, j'ai fait la création du concerto en mai dernier à Wellington avec l'Orchestre national de Nouvelle-Zélande. Concerto composé par le compositeur néo-zélandais Gareth Farr, sous la direction de Hamish Mackay. Et oui, donc ça c'est ton, comment dire, c'est un concert auquel tu as participé, tu en as fait plein à travers le monde, j'imagine. Enfin, quoique, il me semble que tu es assez jeune, mais tu as quand même fait beaucoup de concerts, non? Ah oui, mais c'est ma vie, les concerts, vraiment, c'est... C'est le sens de ma vie de concertiste. C'est vrai que je vois ça beaucoup sous le signe du voyage. On a beaucoup de chance, les concertistes, parce que à la fois on peut jouer justement des œuvres extrêmement concertantes, donc le répertoire des concertos est fait pour ça. Et puis aussi, on a un répertoire de musique de chambre qui est extrêmement varié et qui nous permet d'aborder des musiques beaucoup plus intimes aussi. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une partenaire de musique de chambre extraordinaire. Et en plus, je me suis marié avec, elle s'appelle Pamela Gustado, et c'est vrai qu'on fait énormément de duos ensemble. Et puis, chacun de notre côté, on s'enrichit aussi à jouer avec beaucoup d'autres partenaires de musique de chambre, et qui enrichit considérablement notre jeu. Et c'est tellement important, une vie d'artiste une vie de soliste sans musique de chambre, ça serait extrêmement, extrêmement triste. Et tous les grands compositeurs ont composé des pages de musique de chambre extraordinaires. Récemment, j'ai joué dans un festival dans le sud, les trios de Schubert. Et c'est à chaque fois que je reprends ce répertoire, c'est comme si je reprenais la partition pour la première fois, tellement c'est riche. Avec Pamela, on a enregistré notamment les œuvres de Paul Hindemith. Paul Hindemith, d'ailleurs, qui a eu un peu un parcours similaire concernant en fait sa résidence aux États-Unis. Parcours similaire par rapport à Anton Dvorak, j'entends. Il y a quelques mois, j'avais joué tout un récital avec le pianiste Bruno Canino, qui est assez âgé maintenant, mais qui est toujours un jeune homme au piano. Je joue aussi avec le pianiste et chef d'orchestre Peter Hildebourg, avec la violoniste Elsa Gretel. Je pourrais en citer beaucoup plus, mais je vais m'arrêter là. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment la musique de chambre, c'est fondamental pour un concertiste. Et l'avantage aussi, c'est de voyager, c'est ce que je disais. Et c'est vrai qu'on a la chance d'aller en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine, aux USA, en Corée, au Japon, etc., en Russie. J'avais aussi créé la sonate de Lucas Debargue à Moscou. ça c'est des moments qui restent gravés à vie dans son esprit. Qu'est-ce que c'est que la musique de chambre, Sébastien? La musique de chambre, en fait, c'est un terme qui est employé en fait quand on joue dans un groupe qui va de deux, donc c'est ce que je disais. Donc là, en l'occurrence, c'est violoncelle piano, jusqu'à à peu près 8. Au-dessus de 8, quand il y a plus de musiciens, il y en a peut-être une dizaine, une douzaine, une quinzaine, on emploie le terme d'orchestre de chambre, jusqu'à une vingtaine. Et puis après, on passe au terme orchestre symphonique, orchestre philharmonique. Donc voilà, c'est le terme pour qui décrit très bien un groupe restreint de musiciens. Et bien sûr, la vedette de la musique de chambre, c'est le quatuor à cordes. C'est-à-dire alto, violoncelle, violon... Et deux violons. Oui, il y a deux violons. Hein. Alors, comment nous sommes dans les appellations et les formations, tu parlais d'orchestre symphonique et philharmonique. Quelles sont les différences entre les deux? Alors, il y a toujours beaucoup d'explications et je voudrais pas... moi-même, j'hésite toujours, donc je ne voudrais pas dire de bêtises à l'antenne. Mais c'est, moi, j'ai l'impression... Hein, en y regardant de pas trop près, qu'il n'y a pas... En tout cas, c'est très subtil comme nuance entre les deux. Ah, c'est possible, oui. Et comment on parle là aussi de cet instrument qui est le tien, le violoncelle? Quel est ton rapport avec lui? Est-ce que c'est plus que simplement jouer d'un instrument? Est-ce qu'il y a un vrai rapport comme il peut y avoir, tu parlais de ton épouse qui joue avec toi, est-ce que c'est un rapport similaire avec ton instrument? Alors en fait, travailler en couple, c'est à la fois beaucoup plus facile, parce qu'on peut s'exprimer en mettant un petit peu moins de forme, mais ça va être un peu plus justement compliqué pour cette même raison. Donc c'est un équilibre à trouver. Donc c'est vrai que il y a des moments où quand on était beaucoup plus jeune, il y a peut-être des moments qui étaient plus difficiles parce que justement comme la parole était beaucoup plus ouverte, on prenait pas assez de pincettes pour dire les choses. Et puis en même temps, on a pu aller beaucoup plus loin parce que l'alchimie du couple aide aussi pour découvrir la richesse d'une œuvre bien plus facilement. Et vos instruments font partie du couple à part entière? Est-ce que c'est finalement pas un couple mais à quatre avec le piano de ton épouse et puis ton violoncelle? Est-ce que c'est ce genre de rapport, je veux dire, c'est un rapport très intime avec l'instrument? Alors oui, c'est un rapport intime, c'est vrai. C'est un rapport intime. Et en même temps, il ne faut pas oublier aussi que c'est deux outils et que qu'il est important quelquefois justement de mettre un petit peu de distance. C'est-à-dire que la musique, elle part toujours de l'esprit d'un compositeur, ou il arrive quelquefois même que l'interprète soit aussi compositeur. Donc, et que du coup, la musique, cette musique que le compositeur entend dans sa tête et retranscrit ensuite sur le papier, les instruments ne sont que des traducteurs. Donc c'est pour ça que Jean-Jacques va vraiment être à l'honneur à la salle Poirel à Nancy le 12 et au festival de Saint-Ulrich le 13, parce que c'était un compositeur génial. Ça a été un compositeur qui a été reconnu de son temps, même si son début de carrière a été un petit peu difficile, mais rapidement, il a été remarqué par Smetana, Brahms. Il s'est beaucoup, Dvorak, inspiré aussi de Wagner. Et puis, il a été, à la cinquantaine, il a même été invité pour devenir le directeur et le professeur de composition du conservatoire de New York. Et c'est d'ailleurs, donc toujours pour répondre à ta question, Mika, par rapport à l'intimité, en fait, dans un orchestre, chaque, ou dans un groupe de musique de chambre, comme le quatuor, chaque partie musicale, chaque moment, en fait, c'est comme une attribution de rôle. Et Dvorak, c'est un coloriste, c'est-à-dire que il attribue des rôles spécifiques à chaque instrument, des qui donne une dimension dramatique, et puis il y a une telle couleur au niveau de l'orchestration. L'orchestration, ça veut dire en fait qu'est-ce que le compositeur, en fonction de la musique qu'il entend dans sa tête, il va l'attribuer à tel instrument ou à tel groupe d'instruments, comment il va superposer toute cette espèce d'harmonie foisonnante. Et la 9e symphonie et le concerto de Dvorak ont été composés quasiment en même temps. Voilà, le concert serait trop long, mais même dans la continuité, on pourrait entendre dans cette même période les poèmes symphoniques. Et donc cette intimité, même s'il va y avoir plus de 70 musiciens sur scène, au fond, on est toujours dans une intimité, on est toujours dans un échange. Et tout à l'heure, je parlais même de faire de la musique de chambre, même avec un orchestre quand on est soliste. Voilà. Et un instrument, le violoncelle, c'est un instrument, effectivement, avec lequel on a beaucoup d'intimité. D'ailleurs, nous, on dit jouer d'un instrument, les Français. Les Espagnols utilisent, je m'excuse pour l'accent, parce que je parle pas espagnol, mais ils disent tocar. Et ça veut dire toucher. Et donc, c'est vrai que, en fonction de la façon dont on touche l'instrument, donc voilà, ça, il va sonner différemment. Donc c'est toute une alchimie particulière. Et je dirais même, vous savez, même si il m'arrive de temps en temps de jouer avec ma femme qui est pianiste, on n'est pas en face de, je suis pas en face de Pamela, elle est pas en face de Sébastien. On est un petit peu comme deux acteurs et on joue des rôles. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet d'être dans le ton juste. En tout cas, on travaille pour ça. Et en parlant de ça, on va se passer une dernière pause musicale vu le temps qui nous reste. Un morceau de In the Mint que tu as joué avec, que tu as enregistré aussi avec ton époux. Je vais t'arrêter peut-être. Oui. Moi, comme j'aurais été très heureux que tu passes notre disque In the Mint qui est paru chez Naxos. Oui. Et qui est toujours en téléchargement. Et j'invite les auditeurs à aller le découvrir. Mais je me permets, comme c'est le concert Dvorak. Si tu peux mettre peut-être le final de la symphonie, ça serait extraordinaire de terminer sur ça, surtout que c'est un enregistrement avec le Philharmonique de New York, dirigé par Bernstein, bien sûr, si tu es d'accord. Oui, écoute, il suffit que tu me laisses juste deux petites secondes, vu que je l'avais pas vraiment préparé. Mika, tu peux meubler deux secondes, s'il te plaît. J'en profite pour dire que vous pouvez aller sur le site internet de Sébastien Hurtaud. Vous tapez le prénom, vous saurez l'écrire, Hurtaud, H-U-R-T-A-U-D, et vous tomberez sur ce site très fourni avec l'actualité et puis on peut écouter et acheter ta musique, hein, tes enregistrements. C'est ça, oui, bien sûr. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé l'extrait que tu veux qu'on passe sur la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Encore une fois, un extrait, vu que le temps nous manque, hélas, hein, l'heure des loups devrait durer beaucoup plus longtemps d'après ce qu'on dit si souvent. Enfin bref, je vous laisse avec un extrait sur lequel on reviendra dans quelques instants, vu que c'est un morceau que tu joueras jeudi à la salle. Je ne jouerai pas. Parce que tu joueras pas. Il y a le concerto de Dvorak. Ah oui, c'est vrai. Et la symphonie du Nouveau Monde qui sera jouée donc pour l'orchestre de Lorraine qui m'accompagne dans le concerto de Dvorak. D'accord, et là c'est la symphonie numéro 9 de Dvorak, jouée par Bernstein, si je ne me trompe pas. Donc on s'écoute un petit extrait et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. C'est un extrait de la symphonie numéro 9 de Dvorak interprété par Bernstein. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM. Et d'ailleurs, pour les connaisseurs de la radio, vous avez aussi reconnu le générique de Michel qui sera là à 20h. Et oui, c'est son générique. Voilà, et on est toujours avec Sébastien Hurteau, forcément Mika, mais Sébastien, violoncelliste, soliste, qui jouera jeudi 12 à 20h à la Salle Poirel à Nancy, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak dans le contexte des Nancyphonies. Et je vois que le temps nous manque, mais dis-moi, s'il y a quelque chose qui est important avant qu'on finisse bien sur le festival, il me semble que Dvorak est un artiste qui te tient particulièrement à cœur. Je me trompe? Oui, alors je vais pas jouer la symphonie de Guillaume, je vais jouer le concerto de Dvorak pour violoncelle et orchestre. Et en la deuxième partie, il y aura la symphonie du Nouveau Monde. Voilà, donc il y aura deux œuvres du même compositeur. Oui, c'est un compositeur qui marque tous les violoncellistes, parce que c'est vrai que cette œuvre, c'est le concerto de Dvorak qui sera joué donc en première partie. C'est quelque chose de très très sincère. Il l'a composé dans un contexte particulier. Je disais tout à l'heure qu'il était donc aux États-Unis, à New York. À ce moment-là, il y avait énormément à la fois d'inspiration de musique folklorique américaine, indienne. Même s'il ne les a pas littéralement copiées, il y avait quand même une influence. Et dans le concerto de Dvorak aussi, on peut sentir une grande nostalgie. Parce qu'il était très loin de son pays, et que coup sur coup, il a perdu une de ses plus proches amies et son premier grand amour, qui était donc sa belle-sœur. Il était éperdument amoureux, en tout cas, et on peut sentir ce déchirement. Et il est dit, même si Antoine Dvorak ne l'a pas écrit, mais que la toute fin de son concerto, c'est vraiment un hommage justement à cet amour perdu, et donc du coup un hommage aussi à cette femme qu'il avait aimée toute sa vie. Et donc voilà, il lui a composé donc cette fin, elle est miraculeuse. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au... Je m'adresse là à tous les auditeurs. C'est ce que je disais en tout début d'émission. On attribue un petit peu des termes, on dit musique classique, musique pop, tout ça. Mais si vous voulez vraiment faire aimer la musique en général à vos enfants, qui sont bien sûr en âge d'aller au concert, donc à partir de, je dirais, s'ils sont sages, à partir même de 4 ans, de 5 ans, ça dépend du des enfants, mais ils seront fascinés. Ils seront fascinés par à la fois le concerto de Dvorak en première partie et la 9e symphonie du Nouveau Monde en deuxième partie. Le temps ne passera pas et c'est comme d'aller voir un film à grand spectacle. Et le choix a été extrêmement judicieux justement de mêler ces deux œuvres d'un des plus grands compositeurs qu'on a la chance d'avoir. En fait, c'est ça va être en tout cas un grand moment et j'ai hâte d'aller répéter demain avec l'Orchestre National de Lorraine sous la direction de Jacques Mercier et puis jouer à Nancy-Conie et ensuite à Sarrebourg, donc Nancy-Conie à la salle Poirel à 20h. D'ailleurs, oui, dis-moi, alors tu dis, c'est vrai que tu joues jeudi 12 à Nancy et vendredi 13 à Sarrebourg, donc c'est les mêmes morceaux avec le même orchestre ? C'est ça, oui. Et je veux dire que je suis très ému de venir jouer à nouveau, de revenir à Nancy-Conie. Je remercie particulièrement Hugues Leclerc parce qu'il m'avait invité il y a quelques années comme professeur et toute l'équipe de son festival fait un travail extraordinaire. J'avais joué avec ma femme, on avait joué notamment la sonate de Chopin, j'avais donné des cours et ces festivals d'été sont à la fois très riches au niveau culturel, il y a un foisonnement d'artistes qui passe. Et puis, pour un jeune artiste qui est encore élève et qui souhaite devenir professionnel, ce genre d'académie, parce que c'est aussi une académie, c'est un peu le passage obligé. Et je salue le travail en fait de Hugues Leclerc et de toute l'équipe qui fait vraiment un travail incroyable et qui permet justement à des jeunes artistes comme je l'ai été il y a une vingtaine d'années de pouvoir progresser dans un contexte différent de celui du conservatoire à l'année et c'est un peu le passage obligé quand on veut devenir professionnel. Donc c'est Nancy-Conie, c'est un bain de culture à la fois pour les concerts et puis la journée, tout le travail extraordinaire que font les professeurs avec les jeunes élèves. Et tant qu'à faire, hein, on a déjà bien présenté les Nancy-Conie dans l'émission qu'on a fait avec Hugues Leclerc, à qui on passe le bonjour. S'il nous écoute, tu peux nous parler très très brièvement du Festival Saint-Ulrich, histoire qu'on lui fasse quand même une petite pub. Bien sûr. Alors, le Festival de Saint-Ulrich, donc je ne suis jamais, ce sera une première pour moi. Donc, c'est un festival qui est dirigé par Monsieur Paquier, qui a fondé notamment le festival de Saintes il y a des années, et puis qui a fondé donc du coup le festival de Saint-Ulrich il y a de nombreuses années. Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que justement ce sera une première. Mais j'ai eu un contact avec les directeurs artistiques, un très bon contact, et je suis certain que le concert se passera magnifiquement. Voilà, au moins on a fait la petite promo et on te souhaite vraiment toute la réussite possible pour ce concert. Malheureusement, c'est vrai que le temps va venir à nous manquer. Je ne sais pas s'il y a une autre chose sur laquelle tu voulais qu'on vienne qui est peut-être importante pour les auditeurs, Sébastien. C'est ce que je disais pour les auditeurs, c'est-à-dire que s'ils entendent cette émission en ce moment ou en podcast, qui se trouve être de passage en Nancy, en vacances ou résident, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de prendre le téléphone pour réserver un billet, pour inviter des amis, pour passer un grand moment de musique, et après aller prendre un verre aux alentours. Oui, tu fais bien de rappeler que c'est possible de réserver en effet. Alors vous pouvez passer sur le site www.nancyphonie.net ou sinon en réservation au téléphone ou pour plus de renseignements au 03 83 96 43 24. Ça c'est concernant les Nancyphonies. Mais sinon, si on veut en savoir plus sur toi, on peut passer sur ton site internet sébastienhurtaud.com. Donc sébastienhurtaud, H-U-R-T-A-U-D.com. Sinon, je crois que tu as une page Facebook, mais j'ai cru voir que tu n'es pas trop actif dessus. Et puis en fait j'ai une page personnelle et j'utilise pas mon compte professionnel pour le moment. Oh bah écoute, Facebook est en train de beaucoup changer en ce moment et voilà, donc tu fais part de ce changement des différents usages de Facebook et je crois que c'est tout ce qu'on a à dire te concernant. Donc je vous rappelle encore une fois, hein, toi qui es violoncelliste, soliste, concertiste, tu seras ce jeudi 12 juillet pardon, à 20h à la salle Poirel à Nancy pour un concert sur Dvorak et un même concert avec le même orchestre vendredi 13 à Sarrebourg au festival Saint-Ulrich. Comme ça on a fait la petite promo de tout le monde et des différents festivals, mais j'entends déjà le générique qui pointe le bout de son nez. Donc avant qu'on se dise au revoir, je vais déjà devoir faire la programmation de la soirée. Donc la prochaine émission c'est à 20h, c'est La Parole est à vous avec Michel, où vous écouterez le morceau qu'on a écouté, enfin un extrait qu'on a écouté en dernière pause musicale. Le hasard fait après tout très bien les choses. Puis à 22h on pourra écouter J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique, suivi de minuit à 1h la rediffusion de La Bulle de Lia qui a reçu ce midi le docteur Anne Evans qui fait de la communication intuitive. Et on se retrouvera demain matin 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Mais pour les petits curieux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, l'émission sera en podcast sur la page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique L'heure des loups, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, peu importe le système d'exploitation, ça marche, il n'y a pas de problème. Et voilà, je crois que j'ai déjà fait le tour de ce que j'avais à dire avant de se dire au revoir pour de bon avec Sébastien Hurtaud, vu qu'après tout l'émission t'était consacrée hein, sur toi, ton parcours. J'ai passé un très bon moment et j'espère que voilà le concert du concert de Dvorak et la symphonie du monde sera un succès. Ben, j'espère de tout cœur pour toi que ça se passera bien et le plaisir était partagé. Hein. Très contente d'avoir un violoncelliste à l'antenne. Et comme on parle de musique, hein, déjà c'est vrai que j'ai pas annoncé l'émission de demain. Donc demain on va parler de protection animale avec l'association Le Paradis des Chats. Et jeudi je reçois un musicien. Alors Mika, serais-tu partant pour revenir jeudi ? Ah ben oui. Alors merci beaucoup Mika pour ta présence. Merci Sébastien, merci Lou. Oui, merci. Merci Sébastien aussi, merci pour ton temps et pour ta disponibilité. Je te retiens pas plus longtemps, je retiens pas non plus les auditeurs plus longtemps vu que c'est l'heure du dîner. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, pour votre temps. On se retrouve demain, même heure, sur Radio Guémozo. En attendant, bonne soirée à tous.